10. Où il est question des défauts de Tom Pouce et surtout de sa curiosité. Si tout ce que nous venons de dire donne à penser que Tom avait un grand nombre de qualités, il ne faut pas en conclure pourtant qu'il fût sans défaut. Tom était curieux, et ce défaut unique fut cause que la jeunesse du pauvre enfant fut souvent fort orageuse. Ses camarades jouaient une fois devant lui à la fossette. L'un d'eux, qui ne l'avait pas aperçu, vint cacher, avec un air de mystère, derrière la pierre sur laquelle Tom avait grimpé pour mieux juger les coups, un sac qui se fermait par deux cordons. Tom, intrigué, ne dit rien, mais quand son camarade fut retourné au jeu, il se laissa glisser tout le long de la pierre du côté du sac, jusqu'au fond duquel il parvint à s'introduire. Pauvre Tom, au moment où il allait sortir, après avoir vu qu'il n'y avait rien dans ce sac que des noyaux d'abricots, comme il s'en trouve dans tous les sacs des écoliers, au moment, dis-je, où il allait sortir, le propriétaire du sac, qui avait perdu déjà les noyaux qu'il en avait tirés, revint pour faire une nouvelle provision, et prit Tom sur le fait. Comme la chance était contre lui, il était de mauvaise humeur. « Tu as voulu voler mes noyaux, » dit-il à Pouce, « je vais te punir. » Et ayant serré les cordons du sac, il secoua Tom si fort que le malheureux tout meurtri fut obligé de demander grâce. Mais il eut beau protester de son innocence et assurer que la curiosité seule l'avait conduit au fond de ce maudit sac, les apparences étaient contre lui. On refusa de le croire et son honneur ce jour-là reçut une cruelle atteinte. « Je ne serai plus curieux, » se dit Tom en sortant du sac. 11. Affaire de pudding. Mais un malheur n'arrive jamais seul, et en cela, je trouve que la Providence, qui nous envoie plusieurs malheurs à la suite les uns des autres, n'a pas tort, comme on pourrait le croire, car un seul, si gros qu'il fût, ne suffirait peut-être pas pour nous corriger. Après cette aventure, Tom, confus, n'eut rien de plus pressé que de s'en retourner chez sa mère. Le hasard, qui voulait sans doute lui réserver une nouvelle leçon, le hasard fit que Madame Pouce était absente, et que Tom ne trouva rien à la maison qu'un grand pot dont la vue l'intrigua, d'autant plus qu'il était recouvert d'une feuille de papier. Il voulut savoir ce qu'il y avait dans ce grand pot, et il le sut, car, étant, en se servant comme d'une échelle d'une fourchette qui était là, parvenu à grimper jusque sur les bords, son pied glissa, et le papier qui n'était point attaché céda sous le poids du petit curieux. Ce pot était plein d'une pâte liquide que sa mère avait préparée pour faire un gâteau. On croit généralement que c'était un pudding. Plaignez notre héros, quoiqu'il fût bien coupable, car ce fut la tête la première qu'il tomba dans cet océan enfariné. En ce moment, Madame Pouce entra, et ayant regardé sa terrine, que devint-elle quand elle s'aperçut que sa pâte remet toute seule, comme si le diable lui-même eût été au fond? C'était le pauvre Tom qui se démenait, il fallait voir. Et pour Madame Pouce, elle était bien loin de penser à son fils qu'elle avait vu sortir quelque temps auparavant. Elle crut d'abord qu'une souris s'était peut-être laissée choir dans sa patte. Mais elle réfléchit qu'une souris n'eût point pris la chose tant à cœur. Et comme elle était superstitieuse, elle s'arrêta à l'idée que son gâteau était ensorcelé. C'est pourquoi, saisie de frayeur, elle prit sa terrine, en détournant la tête, et en versa tout le contenu par la croisée sans s'apercevoir qu'elle y jetait en même temps le pauvre Tom. 12. Tom est avalé par un meunier. Un meunier qui revenait de la ville à cheval sur son âne passait au même moment sous la fenêtre en chantant à tue-tête. La partie du pudding dans laquelle le pauvre Tom se trouvait tomba juste dans la bouche du meunier. À l'instant où celui-ci aspirait l'air à pleine poitrine pour faire une de ses plus belles roulades, de sorte que l'infortuné Tom entra comme une lettre à la poste dans ce gosier bien ouvert. Le fait, je le sais, est invraisemblable, mais l'histoire est là et je n'y dois rien changer, quoique, à vrai dire, cette partie des aventures de Tom soit fort peu de mon goût. Le meunier fut si étonné que son âne, qui allait d'un bon pas, eut le temps de le mener bien loin de la maison de Monsieur Pouce, avant qu'il fût revenu de son étonnement, de façon qu'il lui aurait été tout à fait impossible de dire d'où était tombé le pudding. Comme, après tout, il finit par s'apercevoir qu'il avait eu plus de peur que de mal, il oublia ce qui venait de lui arriver et voulut se remettre à chanter. Mais c'était peine perdue. Il eut beau faire, il ne put y parvenir, d'où il conclut qu'il avait un chat dans la gorge. Or, le chat, c'était le pauvre petit homme qui aurait bien donné tous les trésors de sa marraine s'il les avait eus pour être hors d'embarras. Le meunier, à peine rentré chez lui, se plaignit d'un violent mal de gorge. Et voyant qu'autour de lui personne ne comprenait rien à la nature de son mal, il songea à se mettre au lit et commença à s'inquiéter sérieusement. Puis, comme le mal ne diminuait pas, il fit venir 5 docteurs et autant de prud'hommes, mais ils seraient venus au nombre de 50 que le patient n'aurait pas été plus avancé. Et en effet, comment expliquer un mal si étrange ? On entendait sortir de son gosier comme une petite voix lamentable qui criait de temps en temps « Maman, maman !» Tandis que les médecins étaient à se disputer sur les causes de ce phénomène, notre meunier vint à bâiller. Que n'avait-il bâillé plus tôt ? Et Tom, saisissant l'occasion, piqua hardiment une tête et retomba adroitement sur ses pieds au beau milieu des docteurs et des prud'hommes assemblés. Qui fut Penaud ? Ce fut le doyen des médecins qui ne put nier que dans cette occasion, toute sa science avait été en défaut. Quant au meunier, voyant le pygmée qui l'avait tant inquiété, il l'empoigna brutalement par les cheveux et le lança dans la rivière. 13. Tom dans le ventre d'un poisson. Il semblerait en vérité que le pauvre Tom fût venu au monde, comme les pilules, pour être avalé. Car un énorme poisson qui passait par là, l'ayant vu tomber, le happa au passage et l'avala à son tour, comme il eût fait d'une mouche. Après quoi, ayant été pris lui-même par des pêcheurs, il fut trouvé si beau qu'on le porta au cuisinier du roi Arthur. On ne peut se faire une idée de la surprise du cuisinier quand, ayant ouvert le poisson, il en vit sortir le petit Tommy. Peu s'en fallut qu'il ne crût avoir devant les yeux d'un côté une baleine et de l'autre le prophète Jonas. Mais quel que fût son étonnement, la joie de Tom fut plus grande encore. « Monsieur le cuisinier, dit-il, vous venez de me rendre là un service que je n'oublierai de longtemps. » Mais le cuisinier était si troublé qu'il n'entendit pas un mot de la harangue du petit pouce, et l'ayant mis dans son bonnet de coton, il s'empressa de le porter au roi lui-même. 14. Tom Pouce chez le roi Arthur. Quand le cuisinier arriva chez le roi, sa majesté était encore couchée. Mais le cuisinier ayant crié à travers la porte qu'il avait quelque chose d'extraordinaire à lui montrer, le roi, qui avait assez dormi, ordonna qu'on laissât entrer. Sa majesté n'eut pas plus tôt aperçu le petit homme qu'elle le prit en affection. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi petit, » s'écriait-elle à chaque instant. « Venez-vous de Lilliput, mon petit ami ?» Tom répondit au roi en lui contant son histoire, et il termina en disant « Sire, je serai bien aise de retourner chez mes parents qui doivent être inquiets de mon absence. » Le roi répondit à Tom d'être tranquille, qu'il allait leur écrire pour les rassurer et qu'il pourrait d'ailleurs bientôt s'en retourner. Tom, voyant qu'il avait affaire à un bon prince, lui demanda sa main à baiser, ce qui lui fut accordé. Le roi, qui se sentait en appétit, ayant alors assigné à Tom pour gouvernante une des princesses de la cour, le pria de s'en aller en lui disant qu'il avait à s'occuper des affaires de l'État, mais qu'il le reverrait dans la soirée, et qu'en tout cas, il ne manquerait pas d'écrire à ses parents avant le départ du courrier. Mais il l'oublia. Parmi tant de promesses qu'ils ont à faire, les rois peuvent bien en négliger quelques-unes. Tom n'était plus là que le roi Arthur disait encore, en prenant son chocolat, « Je n'ai jamais rien vu d'aussi petit !» 15. Tom réussit à la cour. Le petit homme, du reste, avait été aussi surpris de voir le roi que le roi l'avait été de voir le petit homme. Car le pauvre garçon, élevé dans la cabane de son père, s'était toujours imaginé qu'un roi devait avoir quelque chose de particulier et qu'il ne pouvait être fait comme un autre homme. Aussi eut-il besoin de se le faire dire et redire plusieurs fois pour croire que ce monsieur, qui ressemblait à tout le monde, était le fameux roi Arthur dont il avait tant entendu parler. Mais, à part le premier moment de déconvenue, il faut dire que Tom, qui était philosophe, avait fini par s'arranger du roi tel qu'il était. Ils devinrent même si bons amis, le roi et lui, que ce grand prince faisait ordinairement dîner Tom sur sa table, à côté de son assiette. Dans les cours, les petites nouvelles prennent tout de suite la proportion des grandes. les choses les plus banales y font quelquefois événement. Mais un personnage de la taille de Tom Pouce, c'était de l'extraordinaire pour de bon. Toutes les curiosités furent instantanément en éveil. Son étonnante petite personne fut bientôt l'objet de toutes les conversations. Chacun voulut le voir, le toucher, l'entendre causer, l'embrasser, de façon que, dès le lendemain de son arrivée, le pauvre Tom était exténué. C'était à qui le tournerait et le retournerait, et le général en chef des armées du roi, qui avait de grandes moustaches et la vue basse, l'ayant pris maladroitement par les jambes au lieu de le prendre par les bras pour l'approcher de son œil et le voir de plus près, Tom faillit avoir une congestion au cerveau. « Où est donc mon sabot ? » s'écriait-il. « Ce sabot dans lequel j'ai passé de si douces nuits. Et ma bonne mère, et mon père. Fatale curiosité, où m'as-tu conduit ?» 16. On construit à Tom un palais, mais il n'est pas ambitieux. Si Tom eût été ambitieux, il eût pourtant pu être satisfait, car il n'y avait pas 8 jours qu'il était à la cour que le menuisier du roi lui avait bâti un fort joli petit palais qu'on avait placé tout meublé dans la chambre à coucher de la reine dont notre héros était devenu le favori. Ce petit palais améliora beaucoup le sort de Tom, car au moins avait-il de cette façon un chez-lui, d'où il ne sortait que pour recevoir la visite des gens qui lui plaisaient. Par exemple, il fallait obéir au roi, et ce n'était pas toujours fort agréable, car le roi, qui aimait à rire, forçait le pauvre Tom à faire devant lui des gambades, à marcher sur les mains et à exécuter encore bien d'autres tours pour s'en amuser. Et Tom, qui avait de la dignité, souffrait d'être obligé de faire ce métier de baladin. « Car, disait-il, sauter devant le roi comme je le fais, ou devant de pauvres diables comme le font les saltimbanques, c'est toujours sauter. » 17. Tom Pouce pense à ses parents, à la cabane et à la vache. Il n'osait plus reparler du désir qu'il avait eu d'aller revoir ses parents, s'apercevant bien qu'il était gardé à vue et qu'on ne le laisserait pas partir volontiers. Le roi couchait dans une vieille tour en haut de laquelle il y avait une terrasse. Tom, pendant que le roi était absent, montait prendre l'air sur cette tour et il ne manquait jamais de se tourner, en pleurant, du côté où était la cabane de ses parents. Voyant bien que le roi avait oublié la promesse qu'il lui avait faite de leur écrire, il prit le parti de leur écrire lui-même pour leur faire savoir qu'il n'était pas mort et où il était, et leur recommander de venir le chercher dès qu'il le pourrait. « Mon cher papa et ma chère maman, leur disait-il, j'ai ici tout ce qu'il me faut et au-delà. Je ne bois que des limonades, je ne mange que de la crème à la vanille, j'ai des gâteaux à profusion, mais je donnerai tout cela pour une seule goutte de lait de notre vache. » La lettre écrite, comment l'envoyer ? Il mit un grain de plomb dans l'enveloppe et la jeta par la fenêtre. « Quelque âme charitable passera peut-être, se disait-il, qui mettra ma lettre à la poste. » Dès le lendemain, le petit homme profita du premier moment de liberté qu'il eut pour monter sur la tour. Et là, les yeux fixés sur la route qui menait dans son pays, il regardait s'il n'apercevait point de loin le jupon rouge de sa mère ou le chapeau à 3 cordes de son père. Mais il ne vit rien. Les jours suivants, le pauvre Tom remonta bien souvent à son observatoire. Il y avait tout au fond du paysage une grande forêt. Plus de 100 fois, Tom s'imagina voir sortir de cette forêt sa tendre mère qui lui tendait les bras. Mais il se trompait, car ses parents, qui le pleuraient comme mort après l'avoir attendu bien longtemps, n'avaient pas même reçu sa lettre, qui s'était, tant elle était légère, perdue dans les airs, le grain de plomb ayant crevé le papier avant qu'elle fût par terre. Il s'adressa alors à sa marraine, la reine des fées. Mais les fées avaient alors tant de filleules qu'elles ne pouvaient être toujours prêtes à les servir. Et qui sait d'ailleurs si cette sage fée ne voulut pas, dans l'intérêt même de Tom, et pour le corriger tout à fait, le forcer à se tirer d'embarras lui-même. Tom, qui ne savait que faire, s'amusa un jour à dessiner. La reine, qui vit son dessin, en fut tellement enthousiasmée qu'elle le montra à tout le monde, et il ne fut bientôt plus bruit d'autre chose que du talent extraordinaire de Pouce pour la peinture.